les plages de l'île. La mer, cette folle dame qui s'engage en vague, sourire blanchâtre, se pose sur le sable. Sur les plages de l'île, éprise vague à l'âme, tout devient très vague. Il faut qu'on élague, mes pensées sont vagues. De la drague, l'île où tu divagues.